Cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour, chers auditeurs de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, effectivement, ça critique les foules. Et pour les habitués de l'émission, ben oui, je critique les foules, mais d'abord et avant tout, je t'aime, Crowd. Tu es si beau, tu es si belle. J'aime être entourée de gens pour apprécier la musique sur scène avec des vrais musiciens en chair et en os. Ah, comme c'est beau de t'observer, de t'apprécier, de vivre différemment l'événement grâce à toi, cher humain dans la crowd. Et bon, aussi pour les habitués de l'émission, oui, je critique la foule, mais il y a toujours beaucoup d'enrobage. Déjà, je ris de moi-même. Et aussi parce que, écoute, quand tu vas voir un spectacle, ça en passe des affaires avant, après, pendant, qui ne fait pas nécessairement partie du spectacle et qui fait aussi la différence sur notre appréciation de l'événement. Et c'est le cas cette semaine à cause du soleil, à cause de mes propres choix musicaux dans mon téléphone qui ont eu beaucoup d'incidence sur mon appréciation du Temple des damnés qui avait lu jeudi dernier au Red Bull Music Academy. Là, pour les avertir, vous me direz, mais ça, c'était l'an passé, ça, Jolene. Effectivement, mais en fin de semaine, grosse fin de semaine. Ah! Il y avait 4 jours! Alors, grosse fin de semaine avec le Temple des damnés où j'ai eu l'occasion de voir pas tous les artistes parce que, évidemment, j'étais en retard. Mais sinon, il y avait Dubtron, il y avait Pandagin, il y avait Nadja, âme sanglante et Orphix. Et oui, pour encore une fois, les grandes mémoires, plus que les auditeurs habitués. Oui, j'ai déjà fait la critique de Red Bull Music Academy l'année dernière. Et j'y retourne, j'y repasse. Comparatif aussi. C'est à suivre, mais chose garantie, c'est que si l'année dernière, j'avais été vraiment charmée par les installations, oui, la crowd cette année est assez phénoménale. J'ai capoté. Ah! C'était pas possible, c'était incroyable. Alors, sur ce, ben écoute, je vous passe Bébé Soleil parce que c'est à suivre, souliers de course. Yeah. Bébé Soleil sur les ondes de la marge. Bien hâte d'entendre des nouvelles chansons de ce groupe et j'ai bien hâte, oh, comme critique de crowd, d'aller les critiquer parce que, ouais, mon Dieu, semaine bien chargée, en 3 jours, non, à l'inverse, 2 jours, j'ai vu 3 événements. Je dis vraiment événements parce que là-dessus, je compte plus le nombre de groupes que j'ai assisté. Mais oui, il y avait le Warning from Montreal, puis il y avait une après-midi avec Dur Cœur, critique très, très bientôt, tout comme, oh mon Dieu, c'est pas possible que j'aie été là. C'était le party intercollégial, inter-tout de l'ETS. Il y avait un show de mute, puis j'étais là. C'est aucun bon sens. C'était bar open. Ça aussi, c'est à suivre. Alors, c'est peut-être parce que j'avais déjà l'agenda chargé que je me dis, ah, jeudi la semaine dernière, magie que je vais vivre en allant à la Casa del Popolo pour voir Bébé Soleil, pour aller voir Vincent Price of Dead et un nouveau projet d'un ex-Chinatown. Ben là, j'étais là, dehors, en train de profiter du soleil, parce que, bon, là, je vous parle pas souvent de la météo crowd, parce que je me dis qu'on le constate tous, mais ouais, il faisait chaud les derniers jours. Alors, j'étais là, dehors, avec ma nappe à pique-nique, en train de me griller la couenne et à faire des choix musicaux en conséquence du soleil. Et, ben oui, effectivement, je me suis dit, même soir, écoutez, Bébé Soleil, puis ça va fitter avec le soleil. Quelle thématique, hein, mais... Mais mauvaise réponse! Non, ça marche pas pantout. Avec moi, j'avais vraiment l'impression que c'était comme si, je sais pas, c'est comme si c'était trop. C'est drôle, hein? Tu m'assures, on va écouter du surf rock, tu sais, il fait chaud, fait soleil, joie. Ou genre, écoutez, là, la toune Island of Sun, là, tu sais, sur l'album vert de Weezer. Mais ça me semble ça aussi, ça fit quand il fait chaud et beau et que t'as envie de te prélasser. Mais inversement, j'étais sur ma nappe fleurie et c'était d'une envie et aussi d'une satisfaction d'écouter du Dope Throne. Comme si mon baromètre interne voulait que ça pèse encore plus fort. Fait que j'en écoutais puis je me disais, ah, tu sais, c'est bien bon. Je les aimais encore plus avec la température absurde comme ça. Et c'est vraiment le timing. Je trouve ça, je te le dis, je trouve ça épatant. Je sais pas si c'est mon inconscient qui l'avait vu passer sur les internets avant. Mais oui, déjà, je retourne à l'intérieur, check sur l'ordi, puis oh mon Dieu! Là, je suis en train de complètement oublier le temple des damnés du Red Bull Music Academy, puis j'ai un billet, puis je suis comme, oh non! Conflit d'horaire, agenda de crowd, puis là, je suis triste, puis je pleure, puis après ça, bon... Je me dis que c'est à suivre. C'est vraiment à suivre en passant pour une critique de crowd de Bébé Soleil. J'ai très hâte parce que c'est une chanson que j'adore. Et ben oui, là, déjà, je constate que mon horaire d'agenda de crowd ne fit pas. Et surtout, je vois le post sur l'événement du Red Bull Music Academy. Ah, 19 septembre dernier est ajouté la programmation Dope Throne que je viens d'écouter il y a 10 minutes. Je sais comme, voyons, c'est un timing qui se peut pas. Quel est le hasard possible là-dedans? Mathématiquement, là, je veux dire, ça fitait le soleil. J'ai encore de la misère à me l'expliquer, mais j'avais vraiment envie de te le conter, crowd, parce que ça a une incidence complète sur mon appréciation du spectacle. Tu sais, j'étais trop excitée. Tu sais, je veux dire, Dope Throne, ils viennent de Montréal, tu peux... J'avais plus l'impression que j'allais les voir bientôt comme aux catacombes. Mais à SAT, durant le Red Bull, me semble que ça a donné comme un aura particulier de les voir pour une première fois. Mais c'est clair qu'il y a comme un enthousiasme démesuré de ma part. C'est comme, oh mon Dieu, je suis excitée à mort à cause du timing, à cause de cette joie, à cause du soleil de plomb, à cause de tout ça. Et c'est pour cette raison qu'on va continuer avec des thématiques soleil. Parce que j'avais envie de vous passer du rock qui n'est peut-être ensoleillé, si ça te fait plaisir, crowd, mais qui comporte surtout le mot soleil à l'intérieur. Et à chaque fois je pense au soleil, je pense à la chanson du nombre d'un album que j'ai beaucoup trop écouté dans la vie, Scénario Catastrophe. We'll be right back. Ah, des rockeurs que je porte bien dans mon cœur, les Breastfeeders, avec la chanson Le soleil se meurt à l'ouest de leur dernier album Dans la gueule des jours. Et vous avez entendu, ben oui, le nombre avec la chanson Soleil, soleil, soleil partout. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Oh, je l'ai pas encore dit, mais voici, en ce spécial, c'est un spécial, un Red Bull Music Academy version fin de semaine. Oui, j'aime bien que les émissions soient spéciales, même si, ben oui, j'en ai parlé par le passé du Red Bull Music Academy, parce que ça avait quand même monopolisé. Ouais, je trouve que le mot, il est gros, mais j'avais envie de le dire. Ça a quand même duré un mois l'année dernière, du 24 septembre au 28 octobre. Ça prenait de la place. Il y avait comme une immense affiche au métro Sherbrooke. Tu peux pas passer à côté, ou facilement pas, là, si tu vas jamais sur la ligne orange, mais autrement, ben, ça existe depuis plus longtemps. Moi, j'avais aucune idée de son existence avant l'année dernière, tandis que le Red Bull Music Academy existe depuis 98, puis il se promène d'une métropole à l'autre pour, ben oui, célébrer et documenter l'histoire de la musique dans son sens bien large et aussi dans son sens bien local, en voulant mettre à l'avant-plan la musique d'ici. Et ce sera comme de fait, oui, avec beaucoup d'événements, beaucoup de spectacles, mais aussi des conférences, des expositions. C'est assez varié dans le cadre du Red Bull Academy. Version fin de semaine, c'est plus réduit. On a affaire peut-être plus à des collaborations avec des organisations qui se font déjà à Montréal, mais ça les met bien en valeur. J'ai l'impression, et c'est cette année que ça va peut-être plus se confirmer que l'année dernière, qu'il y a de la crowd qui viennent simplement parce que l'étiquette Red Bull Music Academy. Je dis ça de même. Mais la crowd, je l'ai trouvée particulièrement variée pour ce genre d'événement-là. Et oui, parce que mon expérience l'année dernière avait été fort marquante. C'était déjà dans un endroit que je suis jamais retournée. C'était le studio Griffintown. Et une soirée avant-gardiste metal noise drone québécois de retour à Âme sanglante, puisqu'il avait joué l'année dernière. Il y avait Disquiet Army, Stephen O'Malley, il y avait Mélanie Mongeau, ben oui, mais pas en version fuck the facts, fait que oh, j'étais toute heureuse. Et sinon je l'ai gardé pour la fin, parce que je vous niaise pas, crowd, encore aujourd'hui des fois mon cœur y pince, parce que il y avait Away de Voivode qui a fait une prestation solo. Et je l'ai manqué. Ah, j'ai encore mal! Ah, ah, ah, ah! Ça pourrait durer vraiment longtemps, mes plaintes et mes cris aigus face à la peine. Ouais, je le sais, timing, encore une fois. Je pense que tu vois, ça doit être un moment de l'année où je suis trop occupée question crowd. Je me souviens exactement de ce soir-là. Je reviens d'un show de performance danse. Oh mon Dieu, une des salles, pas l'usine C. Ah, le nom m'échappe, là, dans le coin. En arrière du Café Campus, pis ça n'a pas du tout rapport avec le Café Campus. Bref, je reviens de ce spectacle-là qui avait quand même commencé de bonne heure. Et en plus, dans le métro, je croise Marie-Pierre, que je salue, avec qui j'ai eu la conversation, une des conversations les plus importantes, je pense, encore aujourd'hui, sur l'importance de prendre son temps pour créer, d'approfondir un sujet. Fait, je suis dans les rues d'Hochelaga, parce que je vais débarquer pour aller vers chez nous. Puis on jase, pendant que je suis en train d'oublier, genre, que il y a un show qui se passe au Red Bull Music Academy, puis qu'il y a Oui qui est en train de jouer du drum, puis que ça doit être malade. Tandis que j'ai une conversation marquante, importante, puis je vous le dis, là, si je mettais comme ces deux événements-là dans une balance, ça gigote sans arrêt, parce que les deux, genre, je suis autant triste d'avoir manqué que autant je suis heureuse d'avoir eu cette conversation-là, d'un grand hasard d'avoir croisé Marie-Pierre dans le métro, d'avoir jasé et approfondi le sujet. Il y en a pas la vie, mais OK, j'arrête d'en parler, sinon j'aurais comme pu dire un mot le restant de l'émission, j'ai juste comme grommelé. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, c'était un événement qui était marquant aussi par l'esthétique Griffintown, les studios. Ben, c'est comme des grands lofts, c'est très industriel. Et quand on arrive sur place, il y avait plein de boucanes. C'est fou comment la boucane faisait une différence sur l'événement. Puis l'éclairage, les gens étaient très posés. Il y avait un calme lourd dans la salle. Et je trouve que, oui, esthétiquement, ça faisait toute la différence. Je me demandais si c'était juste l'événement en soi, du Drone in Activity, qui s'appelait comme ça l'année dernière, ou c'était, comme la tendance Red Bull Music Academy. Je suis même curieuse, peut-être que parmi vous, dans l'audience, il y a des gens qui sont allés dans des métropoles où il y avait eu des événements Red Bull. J'aimerais ça savoir si des fois ça se ressemble d'une place à l'autre. Bon, j'avoue que là, je commence à être un peu serré. C'est détail, là, faut que tu ailles à celui à Montréal et à d'autres. Mais ouais, petit feeling et je gâche un punch pour ma critique de Crawl, mais j'ai l'impression que ça doit être ressemblant d'un endroit à l'autre, qu'il y a quand même un certain barème pour présenter leurs événements. Ah, c'est à suivre. Mais sinon, cette année, mais c'est ça, ça commençait jeudi avec le Temple des Damnés auquel j'ai assisté. Et sinon, quand même, dans de la variété, il y avait Sagacité avec Moonshine. Justement, Moonshine, c'est un collectif qui existe déjà, là, qui fit avec le cycle lunaire et musique électronique. Puis c'est surtout ça, la tangente du festival de samedi aussi avec Equinox, qui est un marathon de musique house et électro, techno. On le ressent. Peut-être que c'est l'amateur général de musique électronique aussi qui visite ces événements. Je vous le dis, la crowd va vraiment me titiller tout le long du spectacle par sa variété, complètement. Parce que l'année dernière, j'avais l'impression qu'on avait plus à faire, justement, peut-être plus métalleux, peut-être plus poêle, ou peut-être plus curieux, je sais pas. Mais les curieux, il y en a partout et nous sommes bien heureux que vous existiez. Alors, sur ce, j'ai parlé de boucan, je vais reparler de boucan, il y aura beaucoup. Beaucoup de boucanes. Et c'était pour la raison pour laquelle il fallait absolument que je vous passe les Indiens boucanes. We'll be right back.

mais je suis pris au fond d'une poche de coton. De coton. Danny Placard sur les ondes de la marge avec la nouvelle chanson Sleeping Bag. Ben oui, Full Face, c'est son nouvel album, puis il sort à soir, ce soir à l'ESCO. Soyez-y nombreux, crowd. Ben oui, parce que tu écoutes toujours Critique de Crowd, et parce que je t'en parle. Ben c'est le fun d'être dans la foule, alors je t'en suggère tout plein. Et mon Dieu, je suis tombée semi par hasard, appelons ça ainsi. Au cabaret des Brumes, il vous reste deux dates pour profiter de cet événement dans le cadre du FIL, le Festival international de littérature. Et ça se passe, ben oui, cabaret des Brumes, ça se passe au Quai des Brumes. Et sinon, ce soir, ben oui, il va y avoir Sébastien Bégagnon, il va y avoir Jonathan Lamy, Laurence Veilleux, il va y en avoir d'autres. Vraiment, il y a des très bons auteurs qui sont présents et c'est l'occasion. On dirait que c'est même la plug parce que c'est gratis, fait que c'est encore plus le temps d'en profiter. Sinon, écoute, ben il s'en passe des affaires, mais il ne se passera pas Yacine B. À l'Olympia, ben non, garçon de Monsdef, ben il a annulé le spectacle, fait qu'allez-y pas. Sinon, vendredi, Dana Kill, présenté par le Festival des Nuits d'Afrique, va jouer au Théâtre Fairmount. Et si t'es plus punk rocker, ben Gilbert et les Amis de Tom va jouer à l'Hémisphère Gauche. Samedi, je pense à toi, cher rappeur, Manu Militari, dans son Tomahawk Tour avec Soldia, va jouer à la Maison de la Culture de Maisonneuve. Dimanche, tu pensais que c'était le dernier pique-nique électronique de la saison dimanche dernier? Ah, mauvaise réponse. Parce qu'il y en a un spécial, c'est un spécial igloo. Ben oui, tout est dans tout. Fait que amène ta tuque, amène ton kit fluo. J'espère qu'il va faire moins chaud. Parce que ça avait été la semaine dernière. Je pense que ça aurait donné un résultat de one suit très, très trempe de sueur. Alors, souhaitons un petit peu de fraîcheur pour ce spécial igloo. Lundi, quoi? Ouais. Mardi. J'ai appelé ça les mardis plaisir coupable parce qu'il y avait quand même deux bands. Je me suis dit, ça doit être le plaisir coupable d'une couple de personnes, dont Hanson, qui vont jouer au Théâtre Corona. Et aussi, bon, ouais, pour moi. Moi, je trouve que c'est un plaisir coupable là, d'écouter du Devil Wears Prada, là, mais bon, chacun leur goût. Ça se passe sur la Tulipe, mais ils sont tellement encore en train de rouler que c'est clair qu'ils ont juste des fans fervents et bien assumés, fiers. Et dans une autre idée, ma bande de rockers, encore une fois bien affirmée et peu coupable, Together Pangaea va jouer à l'ESCO. J'avais tellement adoré leur avant-dernier album, tu vois, j'en parle au passé parce qu'il faut que je réécoute le récent album qui m'a pas 100% convaincu, mais allez-y, ça va être bien sympathique. Punk rock qui trash et qui s'amuse. Et il y a aussi, en même temps, écoute, gros soir mardi parce qu'il y a aussi Wands au Ritz PDB. Et finalement, mercredi, métalleux, ben, il y a Saxon avec UFO qui vont jouer au Théâtre Corona. Sur ce, ben, je parle de plaisir, mais là, ça, c'est plaisir vraiment tout court. J'ai mis mes deux chansons préférées du palmarès francophone de CISM. Octoplot qui nous offre une chanson inédite avec Héros ou Ennemi qui paraîtra sur leur album Le Démon Normal. Et je vous l'ai déjà passé parce que je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, Kid Kuna. J'ai hâte d'écouter son album au complet. Ça va paraître au mois de novembre. Shérif, hey, tout ça sur les ondes de CISM. Kuna et Octoplot sur les ondes de la marge. Ils sont dans le palmarès francophone. Allez visiter le site cism893.ca où vous retrouverez de merveilleuses musiques qui, comme celle-ci, vargent dans ta face, mais d'autres de... dans un autre, dans tout plein de genres. Vraiment, c'est varié. Il y en a pour tous les goûts. Parce que c'est ça, c'est ISM. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolaine Ruet. En ce spécial, Red Bull Music Academy, version fin de semaine longue, 4 jours. Et surtout, en ce spécial, Temple des damnés. Et Temple des damnés, que j'arrive en retard. J'arrive en retard à la SAT parce que je me grouille pas à peu près pour arriver. Et attends, pour de vrai, techniquement, je t'entrais complètement manqué d'Uptron. Ça fitait pas pantoute. Puis là, je cours dans Montréal pour arriver à la SAT. Et j'arrive à l'entrée, puis ils font comme, non, ne passez pas par ici, madame. Puis là, je suis comme, non, ça y est, là, je suis pas à bonne place. Qu'est-ce qui se passe? Je suis stressée pour rien. Je veux voir Uptron. Et non, non, c'est parce que le Red Bull, ils font rien comme du monde. Fait que faut que tu passes sur le côté. C'est fou comment un événement peut devenir métamorphosé. Un lieu, surtout, peut devenir métamorphosé en si peu de choses. Je veux dire. Comme l'année dernière, il y avait des rideaux noirs qui font les corridors, délimiter les espaces. Il y a de la boucane, ben de la boucane. Il y a de l'éclairage rouge dont les faisceaux vont éliminer le sol ou le plafond, mais c'est très visé pour juste donner un spot rouge. Puis c'est pas mal ça. Ça, puis tu rentres pas par l'entrée normale de la SAT. Oh! Je suis complètement perdue. Je ne reconnais plus ma SAT. Que se passe-t-il? Ah, changement. Je suis déboussolée. Non, mais j'ai déjà cher, mais c'est niaiseux, hein. Ça prend juste quelques effets pour, rendre déjà l'expérience de spectateur différente et particulière. Parce qu'on est comme passé semi-backstage. Après ça, ben oui, je reconnaissais la scène comme d'habitude, est à même place que d'habitude. Je pense qu'elle se déplace pas bien. Même gros poteau de béton en plein milieu de la salle. Ben oui, tout est comme d'habitude. C'est fou. Moi, ça m'impressionne comment des si petits éléments bien pensés, c'est judicieux, c'est simple, efficace, ça fonctionne. Puis voilà surtout une ambiance où on va apprécier différemment la musique. Le seul pépin que j'ai, c'est que là. J'ai envie, j'espère très fortement qu'il y a un chimiste dans la salle et qu'il va écrire sur le Facebook de Critique de Crowd, parce que appelle pas en direct en studio, là, ça risque d'être une longue jasette. Parce que ouais, la boucane, il y en a qui disent que c'est pas bon pour la santé parce que ça contient du glycol. Il y en a d'autres qui disent non, parce que c'est plein d'eau. Là, j'aimerais bien savoir si c'est bon pour la santé ou non. Parce que vois-tu, je suis heureuse de l'atmosphère que ça apporte, cette grosse boucane dense. Mais si en même temps, si c'est pas bon pour nous autres, ben je le souhaiterais plus. C'était tout. Alors oui, pour de vrai, pour ceux qui se connaissent sur le sujet, que vous soyez technicien de scène ou préférablement, ben oui, chimiste, on veut connaître bien la composition et l'incidence que ça a sur le corps humain, donc la crowd, ben je serais bien heureuse de cette information judicieuse. Je te remercie à l'avance, crowd. Alors, sur ce, ben oui, plein de boucanes, j'arrive, je suis un peu perturbée. Ben je vous dis, il y en a vraiment beaucoup, au point, il faisait super chaud, j'étais comme, j'étais toute trempe, puis je voyais rien à l'autre bout de la scène. Vraiment, c'est un vrai brouillard pour Uptron. Là, je suis arrivée, puis en plus, j'ai un mauvais timing. Il arrive, puis il y a un problème technique avec la guide. Fait que là, c'est un petit peu long. Peut-être que c'est un petit peu ralenti la cadence du spectacle, mais en même temps, j'ai vu une très belle foule. Comme je vous dis, je suis certaine que je suis biaisée, parce que j'étais vraiment excitée de les voir. Mais déjà, c'était comme le... Ben oui, c'était le seul band qui avait comme... C'est un trio, tu sais, drum, git, bass, qui sont dans le métal. Ben, stoner, doom, qui... Moi, je trouve que ça ressortait en soi du reste de la soirée. Mais dans la foule, j'ai senti aussi un enthousiasme dans quelques gens dans la crowd qui headbangaient pas, puis ils hachaient pas tant de la tête, mais c'était quand même... Puis c'était plus que s'ambiancer, là. C'était pas juste un hochement d'approbation, parce que tu apprécies la musique au moment présent. Non. Tu la files. Tu sais, un bon cambrement là, qui passe de tes hanches jusqu'au début de ta tête. Là. Et c'est pas pour faire aller ta couette et tes cheveux. Là. Juste comme tu sens la musique, puis c'est comme ça que tu as bougé avec. Mais c'est très, très ressenti. Et quand je dis ressenti, justement, il y en a plusieurs qui vont être plus introvertifs à vouloir le vivre paisiblement, les bras croisés, les yeux fermés. Plus, ouais, quand même, ben, qui pourraient avoir une apparence beaucoup plus modérée que ceux qui, wow, ils veulent exprimer physiquement là, ce qu'apporte Uptron en spectacle. Là. C'était fort agréable. Et puisque je me suis avancée en avant dans la crowd, bon, à un moment donné, je finis par voir quelque chose en passant, parce que sinon, la critique de crowd serait difficile. Mais en avant, il y avait des gens assis en indien. Bon, OK, il y en a un que c'était le photographe, là. Mettons que lui, il compte pas. Mais reste que... Oui, ça m'a rappelé le drone in activity de l'année dernière parce qu'il y avait une section de gens, je me rappelle, qui étaient couchés par terre ou complètement assis. Et là, cette fois-ci, au lieu d'être à côté vraiment de la crowd qui est debout en face de la scène, c'était en avant. Il y avait beaucoup de distance entre la scène et la crowd. Je crois aussi que ça permettait cet espace de... Ouais, c'était la section assis. La section assis puis la section debout. Et il vaut mieux aussi être en avant qu'on est assis. Déjà, on cache pas grand monde. Mais ouais. J'aimais déjà cette liberté de mouvement, de comment les gens sont placés et que ça convient à tout le monde. J'aime ça. Même qu'au centre, dans la crowd, je vois... quelques gaillards qui s'amusent. En tout cas, une petite pause de air git, là, un peu funny. Oui, je trouve que tu as l'air de t'amuser. Sinon, ben non, là, c'est... on le voyait, le sourire dans le visage. Je trouve que la variété aussi de réactions était intéressante. Oh! Et moi, je réagis pas à peu près quand je vois l'oncle Costa dans la salle, puis je suis comme, hé! L'oncle Costa est là! Hé! Vulgar délit est pas partout dans le set de la soirée! Mais non, c'est parce qu'il est sur la chanson Scumfuck Blues de Dubtron, fait qu'il est venu la chanter et j'adore l'oncle Costa sur scène. Tu sais, il a sa signature. Tu sais, à chaque fois qu'il fait un spectacle, il finit jamais ses bières, oui. Il a garoche en l'air. Là, il l'a garoché à terre sans faire de mousse. Il a bu une gorgée. Il a fumé une smoke. Il a fumé genre une. Il a juste fumé une puff puis il a sac à terre. C'est ça, l'oncle Costa. J'étais comme heureuse. Ça a apporté comme... ça a vraiment apporté un petit plus à la soirée. Oui, sa présence. Puis vous voyez, je suis biaisée complètement. C'est parce que je l'adore. Mais aussi parce que ça donnait un autre vibe que le groupe, oui, est plus posé. Ils font des commentaires dans la salle des blagues. Mais non, j'ai trouvé vraiment ça agréable. Je crois aussi que dans la foule, ça s'est ressenti parce que les gens le chantaient aussi. C'est comme fuck blues. Bon, là, pas à gueuler ou à chanter en chœur, là, on s'entend, là, mais quand même. Hey, juste à la fin du spectacle, c'est juste un peu drôle parce que je parle de la boucane depuis tantôt. Puis, ouais, quand il y en a moins, tu réalises que... la foule est un peu comme un fromage gruyère. Ouais, c'est un peu troué. C'est fou comment la boucane aussi avait un avantage crowdien. J'ai donc bien l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. Il y en avait beaucoup. Sincèrement, la salle est grande. Faut aussi le dire, là. Puis, si t'es pas très crowdé, serré, on peut avoir l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde. Mais non, quand même, ça... ça remplit les trous, hein, la boucane. Sur ce, on s'en va en écouter du Dubtron. On va aller écouter... je l'aime beaucoup, Shutdown! Lock your doors, lock your windows. If you have the ability to provide additional security devices, then by all means do so. Who wants to be next? I don't. No one else does. oui, vous venez d'entendre Vulgar Deli. J'en parle. Autant en écouter avec un rayon de soleil. Ce cher vulgaire, mon Dieu, oncle Costa. Est-ce que vous entendez en fond et que, ha, ha, ha, je sais plus comment gérer parce que, que de variété sonore avec Pandanjin. Alors, artiste japonaise berlinoise qui était à sa deuxième visite dans le cadre du Red Bull Music Academy et qui arrive sur scène avec, toute sa table, avec, mon Dieu, toutes ses installations. Mais j'ai toujours trouvé que c'était bien théâtral comment elle est arrivée sur scène, comme ça, à place ses beats. Hein, puis, elle va devant la table, puis elle nous regarde. Solennel. Oui, c'était assez théâtral et j'ai bien apprécié ça. De mon angle, j'avais l'impression que c'était comme elle était un peu Houdini, là, parce que j'ai l'impression qu'elle nous a pitonné des affaires dans le dos. mais prendre le temps d'être devant la scène, ça m'a très étrangement, et là, le comparatif va avoir l'air très louche, je l'accepte et je l'assume, ça m'a rappelé des artistes à l'île Sonic. Oui, oui, diamétralement opposés, là, on s'entend, là, on parle de... Tu sais, c'est tellement l'île Sonic, mon Dieu. Sa réputation, son fluo, sa musique dansante. Et des fois, il y a des artistes à ce festival-là, oui, qui vont avoir tout préenregistré ou font juste passer leur musique en pesant sur play, puis ils vont devant la scène, puis ils font taper des mains. En avoir choisi à des amateurs de musique électro, c'est plus ou moins accepté ou c'est plus ou moins apprécié parce qu'on le voit bien que t'as déjà tout prévu pour faire clapper les mains des gens dans la crowd. Oui, ça peut être contestable, ça peut être étrange, mais j'ai apprécié... Non, je pensais pas exactement à l'île Sonic en voyant Pandanjin, mais tu sais, le fait qu'elle soit devant la scène puis qu'elle était pas en train de juste s'occuper de l'instrumentalisation, ben ça a amené un aspect vraiment un contact humain particulier. Tu sais, ça, je trouvais que ça donnait une espèce de gravité supplémentaire. On dirait que après ça, quand elle était concentrée, oui, à faire des bouts au micro, les enregistrer. Je trouve qu'après ça, on dirait que je portais plus attention à tous les autres mouvements qu'elle pouvait faire parce qu'il y avait eu comme un moment de pause avec la foule. Ça amenait vraiment une dose particulière, j'en manque mon vocabulaire, vous voyez, j'aimerais ça mettre des beaux adjectifs, mais ça ça m'est bien difficile. Mais je crois aussi que dans la foule, c'était le cas, ça nous a mis peut-être transi, c'est drôlement calme. Le gars assis, ben oui, celui qui était assis au début de la soirée, c'est encore le même. Mais des fois, il va être complètement creusé entre ses jambes, là, la tête cachée, des fois, il est comme une taupe, là, puis il va ressortir, mais autrement, lourde, ouais. Des gens se bercent, mais il y en a que, tu sais, ils ont l'air concentrés, il y en a qui ont l'air quasiment de prier, mais il y en a qui ont l'air de souffrir tellement, tu sais, c'est comme une concentration lourde, là, c'est comme, en tout cas, ta face avait l'air d'apprécier, mais ça avait l'air difficile, des fois. Et, ouais, c'est 110, parce que je veux pas dire contemplatif, là, c'est pas, on dirait qu'il y a quelque chose de plus lourd que ça. Ouais, c'est absorbant, et physiquement, j'irais juste pas à dire que c'est demandant, mais oui, tu le ressens. Puis c'est drôle, dans la crowd, il y a eu un commentaire comme quoi c'était plus fort, c'était plus lourd que le spectacle de Son. Et à être allé, mon Dieu, il y a un an, deux ans, au spectacle de Son au Théâtre Fairmount, ben oui, je veux dire, avec leur mur d'ampli, c'est intense, là. Mais de là à aller au comparatif, j'aurais jamais osé. Peut-être parce que musicalement, c'est, ben, oui, les ressemblances, mais que c'était moins... lourd, moins, il y avait moins de lenteur, il y avait plus de variété sonore, mais que oui, sur le corps, physiquement, ça vient comme t'ébranler, là, tes narines, cils. Je veux dire, moi, ma pomme d'Adam, je sais qu'elle est là. Vous allez me dire, Jolène, t'es une fille, t'as pas tant de pomme d'Adam. Écoute, elle a eu le temps de pousser, elle a eu le temps de shaker tellement c'était fort. Ça te prend vraiment au thorax. Tu sais, ça te prend de plein fouet. Puis c'est le moment où, genre, si tu t'assois proche de la scène, c'est quasiment une bonne idée, mais pas tant non plus parce que ça va encore plus te rentrer dans la gorge. T'es mieux d'être couché à terre puis vraiment sentir les vibrations, ou être debout au centre puis plus en profiter, mais que ça va être plus absorbé par le restant de la foule, parce que oui, ça peut quasiment t'attaquer. Fait que c'est intense. C'était intense. Et il y aura de la danse. Oui, il y aura de la danse. C'est à suivre et c'est pour ça qu'on va aller écouter Miss France. Non, c'est pas des problèmes de radio, c'est effectivement la musique de Nadja. Mon Dieu, je vous fais des blagues gounettes. Question noise ambiant, ça se peut-tu? Oui, oui, ça se peut, avec critique de crowd. Non, je voulais vous donner un aperçu. Je vais bien essayer de vous donner un second quand même, parce que Nadja va complètement changer l'atmosphère de la soirée. Hey, deuxième extrait, allons-y gaiement. Vous voyez quand même, on est comme dans deux mondes différents. Mais oui, Nadja, duo ambiant, doom, expérimental, joue de la bass de do. On n'a pas affaire non plus à une grande performance. C'est né que je vous ai parlé tantôt avec avant, comment c'était. Oui, il y avait avec Pan, il y avait pas d'interaction, mais il se passait de quoi avec les. Oui, une relation avec la foule, tu peux mieux le dire ainsi. Mais avec Nadja, moins le cas, mais il va tellement se passer des choses pas croyables. C'est le groupe, c'est le moment dans la soirée où, dans la crowd, c'est comme s'il y avait eu un autre tournant. C'était particulier. Dans la foule, bah oui, c'est relativement calme. Plus distant, peut-être, qu'avec Pan. Sinon, je trouve qu'il y a quand même un calme, ouais. Ouais, on est peut-être moins on est plus détendu. Des gens sont assis par terre, trois en tout. Certains vont même être plus couchés par terre, surtout vers la fin du set. Des coupes s'aiment. Ben oui, ça se colle. On se colle durant Nadja, pourquoi pas. Sinon, dans la crowd, plus de mouvement. C'est vagueux, sans dire que ça danse. Puis c'est ça l'affaire. C'est qu'il y en a qui sont carrément mis à danser. Pas danser... C'est ça, c'est ambiancé, tu sais, je sais pas, petit mouvement de hanche. Non, ça dansait gros beat sale, là. Ça dansait comme, aller regarder, j'aurais pu changer comme la musique, mettre genre les Beach Boys, puis ça aurait pu marcher. J'aurais pu comme mettre genre du gros techno house. J'aurais pu mettre comme un beat effréné, j'aurais pu mettre de quoi d'ensoleiller. Ça aurait été possible. Il y avait des mouvements remplis de vigueur, c'était animé, mais surtout, là, tu sais, vous avez entendu, tout comme moi, Nadja, c'est « Ah! Tu te dis pas après ma barre? Ah oui, ça va swinguer par là au show de Nadja. Ça va danser. Ça, il va par là. » Non. Sur le coup, je me dis « C'est-tu une joke? Il nous niaise-tu? » C'est vrai. Je veux dire, est-ce qu'il faisait pour le lol? Tu sais, c'est comme « Ah, ça fait tellement pas avec la musique qu'on va comme faire complètement l'inverse. » Je sais pas. J'avais pas envie de les juger, tu sais, d'être dans un jugement gratuit de « Ah oh, ouais, c'était pas leur groupe. Ah, ils rient. » Pas qu'ils rient d'eux, mais ils rient de la situation en faisant l'opposé. J'aurais pu leur poser la question, dire « Est-ce que vous dansez pour de vrai? » Et effectivement, ils dansaient pour de vrai. T'sais, ils sont pas en train de de faire semblant. C'est pas un hologramme. Mais de danser avec l'intention de danser pour la musique. Puis en même temps, quand tu portes attention, je trouve que dans la bass, ben oui, il y a une certaine mélodie que tu pouvais suivre puis dire « Ben oui, ça a du sens qu'ils dansent, ben ça fit avec la bass. » Fait que c'était quand même particulier. Et encore plus, quand il y en a un qui est venu vers moi, il m'a tendu la main pour que je danse moi avec. Puis je me disais comme Ah non, ça passe pas. Tu sais, je t'aime, crowd. Je le dis à chaque émission. J'aime ça. J'aime l'interaction. J'aime ça vivre de quoi humainement. Je trouve que ça change tout dans le show. Mais là, ça avait tellement pas rapport. J'étais déconcertée. Je veux dire, ben non, c'est pas mon mood à moi. Là. J'ai pas envie de danser. Je trouve tellement que ça n'a pas rapport avec la musique. Je sens que je fitais plus. Et ce sera aussi le cas. Je suis allée en avant. Il y avait quelqu'un qui carrément tenait les deux mains sur le stage. Il tenait le stage. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce qui est... Ouais, avec des tendances drones, c'est d'apprécier le son, d'apprécier la vibration, de juste toucher puis de le sentir. Je comprenais, tu sais, extérieurement tu le check puis tu te demandes s'il prie. Encore une fois, tu sais, comme il est couché, il a l'air d'absorber les bonnes ondes. Mais ouais, il y a un sentiment, il y a comme quelque chose de physique à vivre avec ce genre de musique là. Puis son ami était collé sur son dos, en plus est couché par terre, s'est recollé contre la personne parce que justement, c'est fou comment ta peau va le ressentir toutes ces petites différences là. Tandis que juste à côté, il y a du monde qui danse leur vie. Je trouvais ça tellement éclaté. J'avais jamais vu ça auparavant. Critique de crowd, je tiens à te le dire. Souvent, la foule peut être plus homogène qu'on le croit, tu sais. Oui, il y a le monde calme en arrière qui boivent leur bière. Il y a le monde qui s'énerve, le mosh pit, blabla. Mais là, comme trop de variété, là. Je me disais, voyons, ça se peut-tu? Mais c'était magique. J'aurais pas pu l'inventer. C'était parfait. Oui, c'était fou. C'était complètement fou. Comment les gens étaient très libres de comment ils étaient. J'espère que c'était avec une bonne motivation. Mais là-dessus, on ne pourra pas accuser qu'il n'y avait pas de variété au Red Bull Music Academy. Ah, oh, ça, c'est sûr que non. Alors, sur ce, on s'en va écouter du Akitsa parce que, ben, je te l'explique tantôt. Ça sur les ondes de la marge. Non, ça faisait pas partie de la chanson. Pour être bien honnête, ça, c'est la magie du direct. Puis moi qui pitonne mal, c'est parce que... Ah! Au moins, je suis honnête. Mais oui, c'est parce que la première toune de son album Grand Tyran dure 6 minutes 57. Puis pour être bien franche, ben, j'aime bien cet album, mais j'avais plutôt envie de vous en passer une plus courte. Et... Fait que vous avez plutôt entendu « Je n'y serai pas ». Et c'est pas pour rien que je vous passe du Akitsa. Ben non, c'est parce que c'est le projet de Pierre-Marc Tremblay qui est aussi âme sanglante. Homme de nombreux projets et on peut quand même aussi se dire que musicalement, il y a... il y a un ensemble. On voit qu'il y a une continuité. Mais il a chanté, il a joué du noise industriel ambiant dans le cadre du Temple des damnés. Et il commence à être tard, 1h du matin, mais nos danseurs n'ont pas cessé de danser. Même que j'étais parmi ceux qui étaient plus assis, qui voulaient peut-être même se coucher par terre. Mais ils se sont avancés, nos chers danseurs. Je trouve ça tellement décalé, j'en reviens toujours pas. Et ça va continuer la danse. C'est épatant, c'est bouleversant. Mais l'affaire, c'est qu'à la fin, ça fitait quand même plus. Je sais pas la logique de la programmation pour cette soirée, mais on a terminé avec Orphix. Hey, extrait. « Ben ouais. Ben ouais, du techno. Fait que là, tu sais, là, il y a raison de danser. Oui, oui, complètement, là. Et ça va aussi se généraliser dans la foule. En passant, Orphix, oui, c'est du noise techno. Et sur scène, ils utilisent des synthétiseurs analogues. Fait que ça fait que la fille, c'est un duo, mais la fille... C'est juste dans ma tête, mais je tiens quand même à le partager. Elle a des petites lumières sur le bout des doigts, puis je trouvais que ça faisait très streampunk. Fait que je trouvais que ça amenait comme le passé et le futur en même temps. Ah, la boucane, écoute, ça paraît pas grand-chose pour que je sente la magie s'emparer de moi durant un spectacle, plus la crowd. Et la magie, oui, est quand même posée, quand même tranquille. Ça m'a rappelé Ancient Future qui avait fait un spectacle là, dans un des hangars. Là. Tu sais, ça faisait très industriel, encore une fois, comme esthétique, comme choix de salle. Mais les gens sont plutôt solitaires là, dans leur danse. Pas des grands mouvements comme faisaient nos danseurs complètement délurés qui détonne, on peut quand même le dire. Il détonne dans le bon sens, dans le mauvais, dans l'étrangeté, dans l'incompréhension. Mais cette fois-ci, non, ça va revenir peut-être plus homogène là dans la crowd, dans le type de mouvement. Et j'étais, dansouillée. Ouais, jusqu'à ce que, la soirée aurait été aussi chargée de crowd, comme je vous dis, plutôt variée, plutôt différente. Écoute, il y avait autant de métalleux que de filles avec des gilets fleuris, mais aussi de connaissances. J'ai toujours comme principe que si je croise beaucoup de monde, entre autres des animateurs de CISM, je me dis, oh, c'est une soirée fort excellente, musicalement parlant. Mais oui, je me dis que soit c'est une soirée qui est populaire, à la mode, tendance, ou bien recherchée. C'est un mélange de tout ça, mais reste que, oui, je revois bien des amis de longue date, et là, parle-pas, genre jase. Et durant, ça n'a aucun rapport, durant Orsphéix, il y a jase. Ouais, ça, c'est pas pratique, jaser par-dessus de la musique, tu sais, c'est quand même par-dessus ça, là, tu sais. Essaye d'avoir une conversation. Fait que là, c'est quand même difficile de jasouiller. Et camarade me dit, as-tu faim? Là, je suis comme, je sais pas, il est 2h30 du matin, je suis pas dans la faim, là, c'est tranquille. Ah ouais, parce que moi, j'ai faim, mais il semble que je mangerais des pâtes. Je mangerais des pâtes avec de la sauce végé. Là, je suis comme, ah ouais, ben d'accord, ben je regarde le spectacle, je les écoute, je danse, oui. Et il continue. Et là, j'ai une conversation d'épicerie durant le Red Bull Music Academy. C'est aucun rapport. Alors il me dit, ouais, je pensais passer à l'Intermarché là sur le plateau, tu sais, avoir des tomates fraîches. Là, je suis comme, voyons donc, c'est bien absurde. Aussi absurde que les danseurs dans la salle. Et là, je suis comme, d'accord. Et là, il continue. Alors, camarade continue et il me dit, ouais, fait que là, dans ma recette, là, je fais revenir des oignons dans le poêle, puis ensuite de ça, mais là, j'ai pépine, mes tomates. Et je suis comme, yo, là, tu te prends-tu pour Ricardo durant un show de techno, là? C'est comme, c'est bien bizarre. Mais c'est bien bizarre parce que ça détonne. Puis en même temps, j'apprécie le moment, je me suis dit, il y a combien de personnes en ce moment sur Terre qui jasent d'une recette de cuisine durant un show de techno? J'ai pas de réponse parce qu'on pourra jamais jaser à tous les humains sur Terre à cet instant précis. Ce serait des statistiques plutôt difficiles à atteindre. Mais ça me fait sourire parce que ça a amené une dose de légèreté en cette soirée boucaneuse qui, oui, parfois, elle pouvait être lourde, mais dans le très bon sens du terme, parce que je trouve qu'on, humainement, physiquement, on vit quelque chose de différent, puis j'aime ça. Et surtout, je m'attendais pas qu'on me raconte une histoire de sauce à spaghette. Ça, pas pantoute. Merci beaucoup. C'était gentil. Et non, j'avais pas faim, fait que non, je peux aller manger. J'étais comme, voyons, on va pas manger des pâtes à 2h30 du matin, qu'est-ce que c'est ça? Fait que sur ça, on va aller écouter Le Monde dans le feu avec Repas repu. All right, la prochaine tune, une tune en français. Never! Ah, cette reprise de ponctuation par le monde dans le feu avec la chanson Repas repu. Ben oui, j'étais bien repu, je n'avais pas besoin de manger. Après, mon Dieu, tous ces événements du temple des damnés. Et ouais, ma soirée s'est terminée. Ben dans les merveilleux transports en commun. Encore bonjour à tous les chers conducteurs. Mais aussi, c'est drôle. Dans mon autobus, il y avait un gars, un Français, qui s'était déplacé exprès pour le marathon qui avait été annulé. Le gars, il fait du tourisme comme ça. Il choisit ses destinations en conséquence des marathons. J'ai trouvé ça bien original et je me demandais combien de personnes avaient été affectées, mais dans ce sens-là, pas affectées comme la température est mal filée. Ah, la vie! Et ça me rappelle, ben oui, jasez-vous, crowd! C'est toujours magique de rencontrer des gens, jasouiller, jaser, avoir des grandes conversations comme ça spontanément et de vivre des moments de foule. Oui, fort agréable. Et surtout, allongez-vous! Allez, oui, parce que c'est ce que je retiens aussi du Red Bull Music Academy version week-end. Ben, c'est de faire ce que vous avez bien envie de faire dans la crowd. Si t'as envie de te coucher, couche-toi. Mais vas-y en conséquence, sois à l'écoute des autres pour que ça fitte. Sur ce, je m'appelle Jolaine Ruet. C'est toujours un honneur, vraiment, je le répète, un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Question amour, question Facebook, c'est bien pratique pour ça. Sur ce, je te dis allongé parce qu'on s'en va écouter Pierre Bastien et la chanson Allongé. On se retrouve la semaine prochaine. C'est à suivre avec le party de l'ETS. Ah oui, il y a de la magie là-bas, certain. Bye bye.